Chapitre 5e, le retour de l'intendant. Agnès retourna à Scarborough. Sa santé était perdue, son esprit troublé. Il y avait des gens dans Aulnay qui partageaient l'opinion de Dudley et pensaient que sa raison avait été ébranlée par l'amour prématuré de son prétendant. Les 4 premiers mois du mariage de Jane et Carleone s'écoulèrent tranquillement. Dudley était un mari tendre et complaisant, et il était impossible de trouver la moindre des choses à dire sur la manière dont il se conduisait dans sa nouvelle situation. La ferme grise était certainement un triste séjour pour Jenny, dont la vie s'était passée en grande partie dans un pensionnat du West End, à Londres. Mais elle avait son piano, ses livres, son dessin, un petit chien et un vieux poney gris, sur lequel elle faisait des promenades dans les champs de son mari, tandis qu'il surveillait les ouvriers. Car depuis le départ de Ralph, Dudley s'était entièrement consacré à l'exploitation de sa ferme. Pas un mot n'avait jamais été prononcé par Madame Carleone au sujet de son entrevue orageuse avec Agnès. Souvent, au milieu de la nuit, elle s'éveillait soudain, à côté de son mari endormi, avec l'écho de ses paroles terribles qui résonnaient à ses oreilles, comme si quelqu'un venait seulement de les lui répéter. Elle les avait toujours considérées comme le résultat d'une hallucination provenant d'un cerveau affaibli, mais elle ne pouvait pas plus les oublier qu'elle eût pu oublier son propre nom. Assise quelquefois dans la demi-obscurité auprès du feu dans la grande salle basse, boisée en chêne, entourée des ombres tristes que projetaient les meubles massifs sur les murs en bois noirci, ses idées aussi éloignées que possible de la scène du matin de son mariage et dirigées sur une chose ou l'autre, en un instant, en une seconde, un chuchotement sifflait à son oreille et le plus distinctement du monde lui faisait entendre ces deux horribles phrases « Dudley a empoisonné son frère Martin ». Martin est mort des suites d'un poison lent qui lui était administré par son frère. Mais ce n'était point ce qu'il y avait de plus affreux, car elle crut s'apercevoir que peu à peu, elle se répétait continuellement ces mots. Comme il nous arrive souvent de répéter malgré nous un vers d'une chanson en vogue. À sa couture, occupée de ses pinceaux et de ses couleurs, au piano même, elle se surprenait, répétant intérieurement ses affreuses paroles. Elle s'adaptait aux notes de ses morceaux de musique favoris, et elle tremblait, en songeant qu'un jour elle pourrait les prononcer tout haut. La nouvelle année arriva, froide et pluvieuse. Le temps força Jenny à rester enfermée à la maison. Dudley était souvent dehors. Elle recevait peu de visites de ses anciennes connaissances d'Aulnay, qui craignaient l'humidité de la promenade sur les bords fangeux de la rivière. Pourquoi avait-elle épousé Dudley? Elle se posait quelquefois cette question, comme si à la suite d'un long sommeil, elle se fût éveillée dans un pays inconnu. Elle ne l'aimait pas, elle ne l'estimait même point. Mais elle lui avait laissé prendre un tel ascendant sur elle que ce n'était que de temps à autre qu'elle s'en souvenait et qu'elle se demandait avec étonnement « Pourquoi l'ai-je épousée ?» Elle n'était point malheureuse. Seulement, quelquefois, elle se sentait seule et remplie de frayeur dans cette maison isolée, aux chambres peu confortables, au plafond bas en chêne, qui semblait vouloir descendre un jour tout doucement et l'écraser. La jeune femme si gaie devint grave et sérieuse sous les ombres de cette ferme silencieuse. Dudley, malgré sa tendresse, était froid et réservé, et avait quelquefois des distractions et des préoccupations d'esprit si étranges et si tristes que sa femme hésitait à lui adresser la parole. Elle s'asseyait devant son chevalet, le crayon à la main, et ses couleurs séchaient sur sa palette tandis qu'elle examinait son visage sévère lorsqu'il avait les yeux fixés sur le charbon enflammé. Quelquefois, son silence avait eu un effet si oppressant sur elle qu'elle se glissait furtivement hors de la chambre et restait absente pendant plusieurs heures, puis le retrouvait. Lorsqu'elle rentrait dans la même attitude, sans avoir changé de position, et le regard fixement attaché sur un monceau de cendres noires. Il s'excusait de ses longues rêveries en disant qu'il était fatigué, qu'il travaillait trop, que la direction de la ferme lui donnait beaucoup de mal, ou bien qu'il était inquiet à propos de sa propriété dans le comté de Buckingham. Un matin, vers la fin de janvier, il trouva une lettre sur la table à thé et reconnut l'écriture grossière de son intendant. Cette lettre était plus longue que d'habitude et Jenny vit à la figure de son mari que son contenu n'était pas agréable. « Jenny, je serai forcée d'aller dans le comté de Buckingham, » dit Dudley. « Dans le comté de Buckingham? Pourquoi ?»« Ralph m'informe par sa lettre qu'il a quelques difficultés à propos de la ferme et qu'il a besoin de mes conseils avant de faire la moindre démarche. il faut que je parte ce matin même. » Avant qu'elle ait pu lui répondre, il avait froissé la lettre dans ses mains, l'avait jetée au feu et avait quitté la pièce. Elle l'entendit donner l'ordre de lui amener son cheval tout de suite. Il rentra en toute hâte pour lui dire adieu, promit de revenir dans un ou deux jours, et partit au galop pour rattraper le train express de Londres. Malgré sa réserve et le caractère taciturne de son mari, Jenny se sentit malheureuse de sa première absence. Les domestiques et les grossiers laboureurs de la ferme lui étaient totalement inconnus. Leur langage même était inintelligible pour elle. Elle était solitaire et mal à l'aise parmi eux. Elle errait de chambre en chambre, dans ses appartements vides, dans lesquels de grandes fenêtres dégarnies s'ouvraient sur un ciel glacé d'hiver. Elle espérait et priait pour le retour de Dudley. Deux jours, deux nuits, et une bonne partie du troisième s'écoulèrent, il n'était point de retour. « Il arrivera cette nuit, » dit-elle. Il faisait allumer d'énormes feux dans les cheminées, jusqu'à ce que les flammes arrivassent à hurler dans les vastes foyers et qu'une lueur rouge se reflétât sur chaque panneau des vieux lambris en chêne. Il faisait un froid très vif. Cependant, à 5 heures, heure à laquelle le train de Londres arrivait, elle sortit avec un châle jeté négligemment sur sa tête et resta longtemps à regarder avec inquiétude dans la direction du triste sentier qui côtoyait le bord de la rivière. Elle ne revint à la maison que lorsque les horloges d'Aulnay sonnèrent les 3 quarts. « Il arrivera par le train de 9 heures, » disait-elle. Mais 7, 8, 9, 10 heures sonnèrent. Le feu baissait, et son cœur s'affaiblissait d'ennui et d'inquiétude, car il ne revenait point. La vieille femme de charge et la camériste qui la servait l'engagèrent à aller se coucher, car 10 heures étaient une heure tardive pour la ferme grise. Mais il y avait un train de poste qui arrivait à Aulnay à 1h30 du matin et Jenny insista pour attendre au cas où son mari arriverait par celui-là. Elle envoya les domestiques se mettre au lit, après s'être fait montrer par l'une d'elles les secrets des verrous, des barres et des chaînes de la porte d'entrée, et les feux ayant été rallumés, elle s'assit sur sa chaise basse auprès du foyer pour passer les 3 heures qui devaient s'écouler avant le retour de son époux. Elle s'approcha de plus en plus du feu qui flambait. Elle s'enveloppa dans un châle épais, mais en dépit de tout, elle tremblait horriblement. « J'ai attrapé la maladie de Martin Carleone sur le bord de cette sombre rivière, » dit-elle. Ces paroles firent courir un frisson jusqu'au fond de son cœur, car elles lui rappelèrent la scène du jour de son mariage et l'épouvantable accusation d'Agnès. Dans l'ombre, dans un coin de la chambre, était suspendu un portrait du dernier propriétaire de la ferme, une figure franche et ouverte, avec de longs cheveux châtains et des yeux bleus. L'idée du défunt la poursuivit dans sa solitude. Elle essaya de détourner sa vue de la peinture. Elle tourna le dos au panneau auquel le portrait était accroché. Mais si cette image allait quitter sa sombre toile, descendre silencieusement derrière elle et mettre sa main palpable sur son épaule? Elle n'était point superstitieuse, mais son existence monotone n'avait affaibli ses nerfs, et elle se sentait comme si elle eût été seule avec la mort. Mais si ce portrait allait prendre la forme d'un fantôme et s'approcher d'elle, que ferait-elle si, en se précipitant vers la porte pour échapper à son étreinte, elle trouvait cette porte fermée et découvrait qu'elle était emprisonnée avec cet effrayant compagnon? Et si ses lèvres peintes se desserraient par miracle, et d'une voix n'ayant rien d'humain venait lui dire que les paroles prononcées par Agnès étaient la vérité la plus solennelle et la plus affreuse? Une sueur glacée perla en grosses gouttes sur son front pur. « Je deviendrai folle, » dit-elle, « si je reste longtemps seule ici. » Elle se leva une fois de sa chaise, résolue d'appeler une des domestiques, mais elle n'eut pas le courage de traverser la grande salle, ni l'escalier de service conduisant à leur chambre. À peine eut-elle le courage de passer devant le portrait qui était pendu entre la cheminée et la porte. Que deviendrait-elle si, vraiment, elle était atteinte de la même affection ou de la même fièvre qui avait tué le frère de son mari? Et si elle était étendue sur un lit et pendant des semaines soignée, surveillée par Dudley? Chacune des syllabes prononcées par Agnès lui revenait à l'esprit, et lui semblait voir son mari, marchant d'un pas tranquille, avec son visage blême, la main tremblante, faisant teinter le verre mince des fioles à médicaments. Les lentes aiguilles de la pendule tournaient silencieusement. Elle entendait le son éloigné de l'horloge de l'église d'Aulnay. L'écart lui paraissait l'heure entière dans son impatience fiévreuse. 1 heure, 1 heure 15, 1 heure 30, 1 heure 15, 2 heures. 2h15. Les dernières cendres blanches tombèrent à travers les barres de la grille du foyer. Trois coups frappés avec force retentirent sur les épais panneaux de la porte d'entrée. « Oh ! Que le ciel soit béni ! Que le ciel soit béni » s'écria-t-elle en s'élançant de son siège. « Comme j'étais folle et comme je puis me moquer de moi à présent qu'il est de retour !» Saisissant une lumière placée sur la table, elle courut vers le vestibule et commença à ouvrir les fermetures de la porte, tenant la lumière d'une main et de l'autre, tirant sur les verrous avec une agitation nerveuse mais pleine de joie. « Dudley ! » s'écria-t-elle. « Dudley, je ne serai pas longtemps. Ayez de la patience, je ne serai pas longtemps. » Mais les coups violents retombaient sur la porte et une voix rude, étouffée et rendue indistincte par l'épaisseur du bois, proférait des paroles d'impatience. Une terreur soudaine s'empara d'elle. « Aurait-il bu, mon Dieu ? » pensa-t-elle. « Sa voix paraît si creuse et si étrange. »« Dudley, c'est fini, j'en suis venu à bout. » Elle tourna la clé après un violent effort et, laissant retomber la chaîne, ouvrit la porte à deux battants. Elle ressentit pour la première fois quelque chose comme si elle eût aimé Dudley. Elle voulait se jeter dans ses bras et s'attacha à lui pour obtenir aide et protection. Un homme, portant un chapeau de feutre abattu sur sa figure, une veste de couleur sombre, des guêtres en cuir et des bottes à gros clous s'avança sur le seuil. La partie inférieure de son visage était cachée dans une cravate épaisse en grosse laine. Mes deux yeux gris sombres brillaient sous les bords de son chapeau. Jenny ne se rappelait point avoir vu cet homme auparavant, mais le coup qu'elle reçut en rencontrant un étranger au lieu de son mari lui donna un courage qui ne lui était pas habituel. Elle saisit une corde qui pendait près de la porte. Cette corde communiquait à une grosse cloche au faîte de la maison qui servait à appeler les ouvriers à l'heure des repas ainsi qu'à les éveiller le matin. « Qui êtes-vous » dit-elle, tandis que l'individu laissait tomber avec force un bâton noueux et un paquet enveloppé dans un mouchoir de coton rouge et se préparait à passer devant elle, se dirigeant vers les cuisines. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « L'intendant de M. Carleon, et peut-être ai-je le droit d'entrer dans cette maison aussi bien que M. Carleon lui-même ?» répondit cet homme, sûr de lui. « Ah, vous êtes Purvis, l'intendant, n'est-ce pas ? Votre maître vous a donné l'ordre de revenir ?» « Oui, je suis Purvis, mais mon maître ne m'a point donné l'ordre de revenir. Mais vous, ma charmante petite aux cheveux bouclés, qui êtes-vous »« L'épouse de votre maître, » répondit Jenny avec hauteur. L'individu la fixa avec insolence pendant un instant avant de répondre. « La quoi de mon maître ?»« Son épouse, Madame Carleon, » dit-elle, le regardant droit dans les yeux, effrayée mais courageuse, rendue forte par l'aplomb de cet homme. Ralph partit d'un bruyant éclat de rire. « La femme de M. Dudley Carleon. Sa femme légitime et véritable. Ah, vous êtes cela, vous. Donnez-moi la lumière, » dit-il en lui arrachant le chandelier d'argent d'entre les mains. « Laissez-moi vous regarder un peu alors, car vous êtes un objet de curiosité. » La main de Jenny n'avait point lâché la corde. Elle la tire avec force, et la cloche résonna dans la tranquillité de cette nuit d'hiver. Six hommes arrivèrent à peine vêtus, en dégringolant l'escalier de service avant même que la cloche eût fini de tinter. « Cet homme dit qu'il est l'intendant de mon mari, » s'écria Jenny, pendant qu'il se pressait autour d'elle. « Conduisez-le à sa chambre et surveillez-le. Il m'a insulté. Mais comme il est évidemment ivre, je n'aurai point d'explication avec lui avant le retour de M. Carleon. Dites à Sarah de monter dans ma chambre, James, » ajouta-t-elle en s'adressant à l'un des valets de ferme dont elle connaissait la figure. « Je ne veux point dormir seule dans la maison pendant qu'un tel homme est sous mon toit. »« Oh, en vérité, la fille, croyez-vous que je vous assassinerai ?»« Je crois que vous êtes un misérable, » répliqua Jenny, se retournant vers l'intendant, tandis qu'il montait lentement le large escalier. « À votre place, je ne resterai point ici du tout, mademoiselle, puisque vous êtes si peureuse, » dit Ralph, avec un rire étouffé. « Il y en a d'autres que moi, peut-être, qui ont sujet d'avoir peur à la ferme grise. »